don't stop. Mesdames et messieurs, c'est reparti pour un tour. Aïe et Finzer, saison 4. Ça va s'engager ou bien? Aïe aïe aïe. L'attente. La nouvelle saison de Aïe et Finzer. Consomme plus ou moins tout ce qui est proscrit. Les yeux brillants comme des Swarovski. La vie est injuste, demande à Robert Lewandowski. Casse-toi connard, je suis pas ton broski. Zéro adversaire, tu proposes qui, hein? Lunettes 3D, je regarde le monde s'effondrer. Avec du popcorn, viens là, en ce moment j'ai une bonne com. La fliquette me lâche pas, putain, quel pote colle. Jamais tu m'attraperas, pauvre conne. Madame? Fous la merde au centre-ville, comme quand l'Italie gagne, même si c'est match amical. J'ai grandi avec des Napolitains, des Sardes, des Siciliens, des Calabrais. On se tape dessus et on parle après. C'est comme ça chez nous, c'est un grand village. À trois sur trottinette, accélère dans le virage. Survêt de sacoche à la Fashion Week, je suis perplexe. Ramène les sables gratuites à la tarte pour que mon père flex. Ouais papa. C'est qui le mec le plus chaud? Personnellement, je crois bien que c'est Gigi. Pas de place pour les fatigués, le premier qui s'endort gagne. Seuls ceux qui décrochent la médaille d'or gagnent. Les vrais survivants, on les reconnaît au regard. Et toi tu parles comme un futur donneur d'organes. J'aime quand c'est plein de condiments. Je dévore la vie en baladant sur les 5 continents. Je l'ai vu fumer et ton rappeur c'est juste un con qui ment. Moi j'ai vraiment besoin de couches, ça c'est un incontinent. Je te souhaite un bon dimanche même si... On est mardi, le cap le change. Imagine Laurel et Hardy avec les chaînes d'offset et Cardi. Soutirons un max de pif en putain producteur véreux. J'avance vers eux mais je me casse la legue car je ne vois plus que des E. Je ne vois plus le droit chemin. 1, 2, 3, je flingue. J'ai trop effrité putain tous mes doigts schlingues. Nouvelle ère, celle des scammers contre les hustlers. Tout le monde veut le beurre, c'est pour mes slime et mes flubbers. C'est qui le mec le plus chaud? C'est déjà. Personnellement, je crois bien que c'est Caballero. Ta-na-na, ta-ta-na-na. Avant la fin, Mehdi, moi j'avais une question pour toi. Je t'écoute. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui à ce point de ta carrière, là maintenant, d'interviewer le génie gazeux en personne? Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission de Hip Hop Time sur Radioactive Amboise et Montrouge-sur-Loire. On vient d'écouter le premier titre de la soirée, c'était Caballero et Jean Jass avec le titre Le Générique, parce que c'est tiré d'une émission sur YouTube, I Am Finzer, et donc c'était une chanson qu'ils ont fait pour leur émission qui mélange cuisine et joint et herbe. Donc voilà, Caballero et Jean Jass, un duo belge, donc un titre sorti en 2023. On va continuer avec un groupe uruguayen, ça va être Peyote Asesino, avec le titre Cable Pelado, sorti en 1998. On est sur un groupe un peu particulier, parce que ça mélange un peu metal, funk, rap. On est sur une sorte de Limp Bizkit uruguayen. Voilà, bon. Après, c'est un groupe qui s'est séparé, il y a eu une réunion, ils ont l'air d'être toujours en activité du coup depuis une certaine réunion, et voilà, toujours actifs. Je vous laisse avec Peyote Asesino, Cable Pelado. infierno, en el fuego eterno. Me voy derecho hacia el tacho, me empacho y me escracho. Pierdo la calma, yo ya no juego más. Ruego por tu alma y ya no sé dónde estás. Pierdo el paso mientras repaso el caso, que no era broma, me quedo en coma. Ahora solo hablo otro idioma, no toma más que un segundo. Yo no me despondo, no puedo saber qué pedo. Si me enredo en la alfombra, no me da risa la ceniza que se lleva el viento. Como los presos de golpe bajo, yo me hice de abajo, no intento escapar. Yo no me rajo, no hay un lugar para estar a salvo. Me tapo la pela de lava como un calvo. Siento el castigo de estar a solas contigo. No pienso en mi condena, si nada me da pena, mucho menos el pecado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Tu suerte está echada, qué cagada, tienes el dedo en la llaga. Pisa fuerte, que yo de verte no tengo ganas. Mejor no te despiertes mañana. Seguí de largo, yo igual me hago cargo de lo que sea, por si se pone fea, porosa la cosa. No seas babosa conmigo, que soy tu amigo. Yo sigo vivo, como me dijo Alfredo. Casi la quedo, y no la hago ni de tos ni de pedo. Pero yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo haya estado mojado. Se te ve en la cara, sé que se te cae la baba. Te queda mal la pieza de metal en la cabeza. Cabeza, ninguna queja, solo pido que cierren la reja. Yo no soy culpable de cada cable pelado, ni de que el suelo Assis pieds nus sur la gouttière, va savoir où mes idées vont aboutir. Pour m'en sortir dans la fourmilière, j'essaie d'utiliser mes 2-3 outils. Un copain qui connaît un type, qui connaît un copain qui connaît un type. Ouais, faut juste déclencher un truc, j'ai besoin que d'un téléphone et un bic. Ma première paye, je suis comme un gosse, et j'ai une question qui m'encombre. Garder pour plus tard ou profiter tout de suite, je sais pas te dire ce qu'est le moins con. D'abord un orteil, puis le corps tout entier, dans le vortex je m'enfonce. Au plus je me promets l'impossible, au moins cette promesse est un mensonge. Mais pourquoi ai-je tant de mal à demander de l'aide aux amis? Comme si j'avais échoué, comme si un coup de pouce allait devenir une dette de la famille. Je crois tellement au karma que je nettoie le quai en attendant le Thalys. Est-ce que ça va exaucer mes souhaits? La réponse ne figure pas dans l'émission de Jamie. Assis pieds nus sur la gouttière, je regarde où mes idées ont abouti. Je me rends compte qu'il n'y a que le culot qui sépare les vrais génies des abrutis. Le copain qui connaît un type, qui connaît le copain qui connaît un type. M'a retéléphoné pour passer un test. Il m'a donné une date, j'ai donné un prix. Yeah. Là je crois que je vais rouler un spliff. Je demande à l'ingénieur de faire tourner un beat. La mélodie m'envoûte des orteils aux cheveux. Mon dieu, j'ai l'impression d'être sous sédatif. Je vais jamais tirer le numéro gagnant. Et sera toujours la guerre en toilon et flamand. Toujours entouré de garçons épatants. Des garçons épatants. Poésie tout droit, sortie des égouts. On était en galère, on criait des noms. Crocheter la serrure, péter le verrou. Comme si mon sang n'était pas assez rouge. C'est l'histoire de ma life. La grisaille arrive sur les poils de ma barbe. La sagesse. Je vois la daronne vieillir, putain j'ai mal. Je préfère être dévoré par les flammes. Je lui parle peu ou je lui parle pas. Oh tellement j'ai mal. Rien n'est éternel, même pas mon sourire, même pas mes larmes. Il m'arrive de sortir tard le soir. Je vais voir mes gars et on drague des femmes. Ouais ouais, faut que ça s'arrête. Mon gars, j'ai peur que ça dégénère. Les étudiants caillassent leurs professeurs. Les professeurs respectent pas les élèves. T'envoies des petits pour brûler des voitures. Ils font ça gratuitement, ils s'en battent d'être payés. Arnaque à l'assurance, je connais un type qui connaît un copain qui connaît un type. C'était Fourmilière du Primero avec en featuring avec Isha, sorti en 2023. C'est un Primero, c'est un belge et c'est tiré de l'album Fragments. On continue avec Blingos et le titre Weird Zarga, sorti en 2022 de l'album éponyme Weird Zarga. C'est un rappeur tunisien. Donc je vous laisse avec Blingo, c'est le titre Wenzar. عدي بيهم بعاد لا ميساج لا الو لوينك وين حيك ليك وحشة يا برو قعدلي منهم كان واحد اللي كان واقوقو اشرو بريحت كيما السراور المكو وانا وصلت وراهم سلي عني بي وليت عز الناس وكل خطوة سحابو الري نسمع بالشفاق بل ما نشد الكاس بيدي قريب نتيح في الشارع يزفرو لي بينالتي منافقين وانا نخزر مصدوم اللي هزيني على عناق البارح كسروا بيا السلوم ما عطوني شي فرصة باش نوري انا شكون سوربريز ولد الزرقة طلع ما في طلع قحبون الناس معادن وانا شفت معدن واحد سقاتو في الزيت قواد وقواد القاضي بيدو جلاد والعينين حرش حرش حبو سقية تتحش برينجوس دز الباب وخش نبزق سمي كل حنش بلسد ما وصلنيش الطش جاو في مبروك وغابوا وقت البركة فيك وقت يا وجهي حشتي بيك اف مرقي تكش جيت العين في العين وقتلي والله ماري تكش تكذب ما تحلف شريتني فولها جدي نعرف نظرك باهي وتشوف بالقدي نعرف لك حرية في قلبك بربي ليجي صبعي تحت الزرسة وليدي تتلوي ربي بك علي الستر ويعطيني القبول محبة الناس ما تتعطاش في مفتول قيسوا بسبيد قيسوا بسروة ومريول اه عطاك الوقت رح يفول العجول حيت السرة لقيت خيط كبشت فيه ومت ما سكرتش باب البيت لين دبرمت ومخي فلت عرفت خبابلي بالحفان وما قلتش فيها حت ما تيزنيش نعمل لك كيما عمل الرت انا راسي الحربة وانا زاد شادد جوري نعوشني مفتاح الخزنة يكرميني مفتاح السور تبسم مش لول حشيش مش الكول تحشيف العشاك يلبسونا كشكول ويعمل ربي دليل حبيبي يعمل الله بلي وفيت الكيلو شواربهم طمعت في بلة مشيت لهم الف ميل مشاو فيا الف مرة نكركر روحي من وذني وما نعاودش الكرة يا ريغي يا عيني حارة الدنيا في عيني عالطحنة ربي عيني وانا والله ما عيني روحي بركة اللي توعيني قلبي وحده اللي راعيني جهر بهار عيني عيني قبل منام عينك طم عينك اكترا يفرا مع وجه المسترا دي ماكس كونترا مش احبار وكونترا مش اكيكا اوبلا مخ مش افومبرا برينجو سترا قرا زعم النجم يندرا ياه هلا هلا برينجو اسم المريض التوى امي ورايا رياضة ركح في التريف ما غاضتنيش جملة كدوان وشدوا الغيظ اللي في بالو ولتقح في كيلو تجريت ورحيل في بالو واكسح مني جملة ما لقاهاش معايا كان قدامي ولا ورايا وانا ذيك هي الغاية عطيت من وقتي للعطايا وحتى كان شافوا بيه لابز لابز لابز عملوه معانا ذريري تتراقص يشدها تراك ترانا قفزت بروحي ما قفزتش بالزينة كلينا طحينا وما طلعناش طحانا مش تميعة في فلان ومش بزيق وحكان انا نعرف وزان عيني بسكولة ميزان ما غرنيش المزيان ولا ترشيق لوبان ولا تقربي اكيسان في قعدات متاع طحانة نساو قسم كافي وقعدت كان اوف يا نانا شراوت البوسيحة اشرف ورد في جرمانة اعطينا من العظم وما اعطيناش بقفانة ما كليناش الحم ناس كلاو معانا Concepts you slept on, I've got 'em. Like Robin Hood, take the whack, making it good like Woody Woodpecker. I'm the mic, check out the wrecker, make like an aeroplane, then I jet her. And here comes to me right, I pick and roll as I take it to the black hole. Kids flaunt the styles, but their styles mad old. I'm on some other shit, straight from the mothership. I'm bringing the funk on another tip. Here we go, on a journey through space and time, pace and rhyme. You can't get mine, 'cause it's major. Like a laser beam, the flavors of the funk is red, black, and green. Misused and abused by the sucker crews that ain't paid no mother effing dues. But guess who's coming with a bass kick? This out of this world like a spaceship, starship, enterprise. I energize like Scotty, and always gotta keep my hair naughty. From an intro to a hook to the universe, alpha to omega to the very first words that spoke no joke. 'Cause I gotta get up for the downstroke. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mother. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. But yo, I'm not against ya, I am with ya. So chill with that ill freaking flow. A Kim is on the scene, know what I mean, and so I'm good to go. Rip it, flip it, rip it, don't forget that I'm wicked. A Kim is the Buddha, and that's how I did it. Somebody's knocking heads like a Confederate lawyer. They hit me with a bomb, yo, my name's not Tom Sawyer. At the beach, acting freaky like Howard. Coast out, no crack, and you know I'm not a coward. No snoozing as I'm cruising through the galaxy of the mental. You know it's mad simple. I am the rap ambassador with the flux capacitor, so I can travel through time and unravel new rhymes. I'm coming with the seventh sign. I don't have a Uzi or a Deep Space Nine. From the mothership, why's the brother kick? 'Cause I'ma play rough like a New York knick-knack. Patty whack, check the time tracks. Damn, I'm supposed to play domino with facts. But back to the present situation, we gotta make way for this generation. So don't turn your back to the future now. You never know who might be a shooter pal. Black on black on the black top for the crack rock. Damn, I'm going back to the mothership. Shake from the mothership. Shake from the mothership. Shake from the mothership. Shake from the mother. Hey, yo, I'm kicking flippin' styles that is so bad. With your amateur flow, you know you can't turn pro black. So don't say cock jack. Can't sing, can't swing, and you know you can't rap. Beats get dropped, dreads get locked, heads get rocked and then I get props. And make like Herbie Hancock and rock it. Skip and if your hip try to hop it. You was jacked by a ripper, ripped by a jacker. Do me right, the rapper told me, suck, what's the matter? Moving on up, grooving on up. I make a funky track, now you're moving your butt. Cause I make noise and rip the cut. I got styles that's fatter than Jabba the Hutt. You see, I'm not a gangster and I don't have a gun black. But I'll be kicking rhymes until Jesus comes back. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mother. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mothership. We're coming straight from the mothership. Et vous écoutez le groupe Zimbabwe Legit avec le titre Straight from the Mothership, sorti en 2005, tiré d'album Brothers from the Mother. Et c'est un groupe, du coup, comme son nom l'indique, qui vient de Zimbabwe. Ils ont réussi en fait à se faire connaître quand ils étaient en Afrique, et ça serait le premier groupe africain à avoir enregistré un album aux US. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende. Donc voilà, un petit titre bien old school, bien sympa. D'un pays qu'on parle assez peu souvent, le Zimbabwe, pour le hip-hop. On va passer avec un bon titre un peu plus hardcore, ça va être Non-Fiction, et le titre « The CIA is trying to kill me ». Donc j'avais déjà passé un titre de ce groupe, de cet album, et qui voilà nous est vraiment dans un délire un petit peu conspirationniste, et où la CIA ou le gouvernement voilà, essaye de les avoir, de les tuer, de cacher des choses, voilà. Donc ils sont sur un gros délire, moi je prends ça vraiment au 3e, 4e degré, mais le morceau est vraiment sympa. Donc je vous laisse avec The CIA is trying to kill me from Non-Fiction. Be the real hip-hop. We make you wanna kill cops. Cats hate me, cause they know my finger, they girls twat. They feel helpless, real jealous. We killed Elvis. I shot Reagan with the help of the Secret Service. Super double agent. Shoot your mother with my brother's favorite. 12 gauge waving, aiming at your brain. Strange universe, too famous. Leaving the murder scene blameless. Drug entertainment. Thugs at the blazing laser gun, saying what I wrote. They feel what I feel, they see the same picture. We made the biscuit through the talk and it became richer. Nobody gets a record deal, you gotta take that shit. Treat the record label like a slut, then rape that bitch. I keep it simple for these stupid cats, claiming you knew the facts, but in reality, you were trapped. Jesus Christ was a gangster rapper. They killed him, then he came back and made a platinum album. The path I traveled like the dragon shadow, invisible to CIA camera angles. They got a file on every rap group. They killed the last man who had proof. They after me for information that I have too. I'm paranoid, tell me what the fuck they ask you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me, be bad news. Get the fuck up out my way when I pass through. I'm paranoid, tell me what the fuck they ask you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me, be bad news. Fuck around with Non-Fiction, that's a bad move. Symbolism, socialism, live life, lean, learn. Struggle, war, hope, drug fiends, the White House burn. Sex, pain, fear, freedom, love, young guns be shooting. Genocide, revolution, lost souls, prostituting. Military confrontation, safe sex and masturbation. Peace to all the homeless people living in the train station. Project Wars, build a one verse four. Lock the door, burn the disc, now everybody hit the motherfucking floor. Brrr, they busting, I'm a glutton for the shit. I'm number six on their list, next to kissing all these kids. Cause I run with Asians, Latinos and black fists. 5% is Caucasian, thugs who live communists. They broke in my house, planted bugs and number lamps on my couch. They after me, what? Let me find out. I'm not having it. My rap to trap the service like a magnet. The vests get nothing like private parties with no laminates. If I'ma die, I'ma die busting and struggling. I'm hustling for the people, fuck them devils and corruptions. Nothing for nothing, ain't it something how they do? They ID me due to my tattoo. I'm paranoid, tell me what the fuck they ask you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me, be bad news. Get the fuck up out my way when I pass through. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me, be bad news. Fuck around with Non-Fiction, that's a bad move. Projects for straight jackets. Electroshock states, rock a fallout, traded for royalty rates. Get your drink on, we build the bomb, spit in your face. Smart to change cars, like who's the block, I do it for Chase. Nice spike works, a fancy knife work. Get the Christ, non-fiction striking prison night shirts. I pay dues, nothing to lose, steady busting off weapons and tools. When I come home, I'll be smelling shit and furniture's moved. Eat the slut, takes the weight off, I live this for real. I do this for the dead, rest in peace, I'm holding you near. Making up time, 12 years, we on tour, we blow your back off. Support caps, jack your car seats and take your scalp off. Soldiers of memories, inherited from way back. Cyanide dead bullets, so I should follow my stats. We're too futuristic, thugs to robots. Experiments, 4-point restraints in my hypercube on medicines. Pain veterans, crippling souls. It's getting bigger now, the information running the globe. It's just my mechanics, either with the gather Xanax. Widespread panic until the Sabbath. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me with bad news. Get the fuck up out my way when I pass through. I'm paranoid, tell me what the fuck they asked you. You fuck around with me and I'ma have to blast you. The CIA trying to kill me with bad news. Fuck around with non-fiction, that's a bad move. De vous, je suis en Anton Serra, je slash la mine, j'entre bouffon, moi je vous nique, bande d'épaves. J'en ai goumard de vous, je suis en Anton Serra, je slash la mine, j'entre bouffon, moi je vous nique, bande d'épaves. Yeah. Hein, je suis venu pour foutre quelques petites claques. Vu que ça fonctionne pas, si t'en fous pas une. L'espoir c'est chaud, le respect c'est ric-rac. L'amour ça prend à l'arrière d'une voiture. Hein. Y'a que la moula qui compte pour tous ces fils de timbre. Avec ou sans pavillon, je reste un fils de prince. Comme Dinos, je suis dans un slip de bain. J'ai la classe américaine, mais je peux pas claquer 10 000 de fringues. Hein, si je deviens riche, je sais pas ce que je ferai. Une chose est sûre, c'est que je ferai pas ce que je fais. Je voudrais zapper des trucs, pourtant je m'en souviens bien. Y'a pas qu'à toute cette chouin que j'embouche un coin. Filez-moi un dixième de ce que vous avez. J'en sais déjà 10 fois plus que ce que vous savez. Hein, ouais, ouais. C'est pas moi qui gâche ma salive, c'est vous qui bavez. 7h26, j'enfile mon manteau. Vélo bateau 8-6 pour la danse des moutons. Ça fait danser les pingouins. Mais moi, je suis beaucoup trop loin. Oui, carrément. J'passe mes journées sous coque de bateau, pas sous coque de Pablo. J'passe à travers les faisceaux, sans même tuer à 20 tableaux. 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% des perdants sont fait plumer 6 euros. C'est la danse des moutons, c'est la dernière goutte d'eau. Combien de pots ça m'a coûté sur ma bite et mon couteau. Mon cerveau dit vague, mon cerveau dit wesh. Je regrette aucunement toutes mes conneries d'hier. Je les ai déjà faites, heureusement, elles ne seront plus à faire. Reste au retardataire, la crise de la quarantaine. Ils font les hommes en Air Max, je suis en Air Charentaise. Je ne sors plus, je suis dans ma petite bubule entre deux parenthèses. Ça me fait penser de prendre soin de moi au lieu de les carotter. Tu gardes tout au fond de toi si tu ne sais pas roter. Pendant ce temps-là, j'écoute la musique d'ascenseur histoire de pouvoir ôter. Le temps en passe, mirage dans le sablier. On dit des trucs tout cons, y'a plus de saison, on ne sait plus s'habiller. Je suis fatigué, à force d'être fatigant. J'ai le regard attiré par le vide, mais qu'est-ce qui manigance? Qu'est-ce qui se goupille? Putain, je vous dirais que c'est pas moi. J'ai l'estomac tellement bien accroché que je n'ai pas peur du bide. En fait, je suis carrément trop bien dans mes sabots de chamois. Y'a une partie de moi qui roupille, mon chat c'est mon putain de frère à moi. Toujours sur Radioactive Amboise et Montlouis-sur-Loire, c'est Hip Hop Time et on vient de se faire un petit titre français du lyonnais Anton Serra. Le titre c'est Slip de Bain, sorti en 2022, tiré de l'album Pardon Madame. C'était en featuring donc avec Goumar et Inch, INCH. Et on va aller maintenant en Corée du Sud. On va écouter le rappeur E-Sense avec le titre Flight, sorti en 2020, tiré de son EP Marigold Tapes. Donc E-Sense, il a une carrière un peu particulière. Il est à l'origine dans un groupe, Supreme Team. Et voilà, donc il est parti en carrière solo. Il a été arrêté en 2015 pour consommation de cannabis. Donc ça a été une récidive, il a été arrêté je crois 2-3 fois. Sauf que là, du coup, pour ça, il est parti en prison. Il a décidé de sortir un album quand il était en prison. Et cet album a eu beaucoup de succès. Ça a été en fait le premier déjà album sorti, premier album de hip-hop en Corée du Sud à sortir pendant que le rappeur est en prison. Et énorme succès en Corée du Sud. Ah oui, il a eu des récompenses au Korean Music Awards, ce qui est l'équivalent des victoires de la musique en France, pour avoir pour le meilleur album hip-hop, donc ce qu'il a fait quand il était en prison. Là, c'est un autre morceau qui est sorti avant, donc c'est Flight de E-Sense. Yeah, 내가 많이 변했냐? 살다 보니까 다 변하더라 말들 믿을 놈 없는 곳이라 조심하라는 말들 난 넌 뭐를 보고 믿지 흐리 따지던 친구들도 길이 나눠지지 절대 순진하지 말라네 많은 요구상 동시에 몇 가지 듣지 못 믿던 그놈의 말과 오래된 친구의 절대 알 수 없는 속 어쩜 이 생각에 시간 쓴 내가 제일 더러워 다들 경쟁 비교하며 따져드는 우위 아름다운 일 아니라고 누수는 떠들지만 금방 바뀌는 일이 아닌 걸 다 봤어 우린 옆에 일 아닌 듯 지내는 기술을 배우지 슬퍼만 하면 내지 내가 버릇이 돼 있는 착한 내 친구의 삶까지는 내가 못 챙겨 서로 이해해 예신하기만 하던 주정뱅이가 변하긴 했네 Life on, life on, life on, life on차라리 그때가 낫지 그거나 무척이 쓸모없는 대사 네가 보낸 10대의 삶이 또 괴로웠던 군대가 지금 되려 그립다니 빨리 뛰쳐나가고 싶어했던 건 너잖니 7-10 책상에 앉아있을 땐 지나가기만 바랬지 이게 곧 끝의 얘기만은 아닌 듯하네 너한테 마시고 죽지는 말자 보면 떠 왔다 갔다 해 자신의 모자름인가 불공평인가 시간 길게 두고 생각해볼 만하지만 그걸 허락해주지 않았다 Work, work 노른자 위로 일단 가보기 엉덩이 털고 일어나지 반나절 넘게 걸려 도착할 그곳을 그려보면 괴로운 비행도 참아 날씨도 좋았으면 좋겠네 춥지도 덥지도 않고 딱 적당한 때나 앉아 담배 한 대 펴 몸에 해로워 나도 알지 물론 중독인데 아닌 척 사실은 그냥 멍티를 시간 좀 버는 거지 조용한 5분을 줘 두 가지 생각이 동시에 위로 피로를 느끼며 이 고민은 또 내일로 낮게 노는 heaven's door 잠시 그저 조용히 누울 침대를 줘 Mon nom c'est Abadi du PBS, je l'avais déjà dit tout comme mon nom dit J'ai des balles de non-dit, on m'appelle Mardi, Mardi, Nardi, ouladidadi We like somebody Je me sais tant bien que mal, mais j'ai du mal à faire du bien. J'ai mal car faire du mal me fait du bien. Ça fait si mal et choisir mal le bien. Choisir bien le mal, y'a tant de mal pour tout. C'est bien pourquoi les hommes se font du mal. Dieu sait tout, fait tout, veut tout, veut tout. Il a tout, tous les atouts. En fait il est tout partout pour tout. Après il n'est-il pas le tout, un tout dans le tout. Une entité totalitaire pour une entière totalité. Mais y'a une fatalité pour certains calamités. Il y a des jaunes, des rouges, des noirs, des blancs, mais pas d'égalité. Le fils de Kem est dégoûté, tandis que l'autre réclame une supériorité. J'suis tellement embêté, pourquoi l'inégalité? I've been searching. In the TV, all I can see is war and misery. You got those people killing just for money, and you got those people living for glory. So then they say they got love for humanity, but I can see them only trusting vanity. All around me, yo, that's all I can see. Why it's gotta be like this? Tell me. They say they got love for humanity, but I can see them only trusting vanity. All around me, yo, that's all I can see. Why is it gotta be like this? I've been searching. Ils sont destinés à mourir. Pourquoi des fruits qui poussent? Ils sont destinés à pourrir. Pourquoi certains sont riches tandis que d'autres sont pauvres à mourir? Pourquoi blâmer le pauvre qui tue? A-t-il le droit de subir? Les plantes ont plus de peau car jamais elles ne pourront souffrir. Pourquoi le paradis si dans l'enfer tu dois finir? Pourquoi nous dire de choisir quand on a déjà l'avenir? La question est dans ton camp, c'est à toi d'y réfléchir. Plus. They say they got love for humanity, but I can see them only trusting vanity. All around me, yo, that's all I can see. Why it's gotta be like this? Tell me. They say they got love for humanity, but I can see them only trusting vanity. C'était Positive Black Soul avec le titre Why, sorti en 97, tiré de l'album New York Paris Dakar volume 2. Donc c'est un groupe sénégalais qui était formé en 89, donc c'est un des premiers groupes hip-hop du pays. Ils rappent en anglais, en français et en wolof. Et ils utilisent aussi également des instruments traditionnels dans leur musique, dans leurs morceaux, dans leur musique. Donc voilà, un petit bon groupe bien sympa. On va continuer avec un rappeur français, ça va être Fab, le titre Excusez-nous, sorti en 2000, son dernier album, son quatrième album, La Rage de Dire. C'est un ancien membre de la Scred Connection, et donc après cet album, il a arrêté le hip-hop complètement. Et il est parti vivre au Québec, il s'est mis vraiment à étudier l'islam, en fait, à fond, il s'est converti, et il est maintenant, je crois qu'il étudie vraiment l'islam. Complètement, c'est ça, son, vraiment son activité principale. Donc voilà. Donc je vous laisse avec un très très bon titre. J'aime beaucoup ce morceau de Fab, Excusez-nous, qui est plutôt considéré comme un rappeur du rap conscient. Voilà, pas du tout, on n'est pas du tout dans le gangsta rap. Vraiment, vraiment plus agréable comme style de hip-hop. Donc je vous laisse avec Fab et le titre Excusez-nous. Vous m'excusez, vous m'excusez, vous m'excusez, vous m'excusez, vous m'excusez, vous m'excusez, m'excuser, m'excuser, m'excuser, m'excuser, m'excuser, m'excuser, m'excuser. Y'a tellement de frères qui souffrent et qui sont muets que je suis obligé de causer. Excusez-nous si on vous casse la tête, si on n'a pas le moral, si on est les cheveux dans vos assiettes. Excusez-nous si on est vieux avant d'avoir l'âge. Excusez-nous, on était gosses avant d'avoir la rage. Excusez-nous si on est mal poli, si on devient ce qu'on voit, c'est qu'on comprend pas tout à fait ce qu'on vit. Si tu comprends pas tout à fait ce qu'on dit, alors excuse-nous. Et si tu crois qu'on ment, accuse-nous. Excusez-nous si on se casse la tête, si on se cache pas, si les mots qu'on dit on les mâche pas. Excusez-nous si on veut davantage. Et puis excusez-nous, on en a marre de voir des frères en cache. Excusez-nous si on se répète, mais quand on regarde à la fenêtre, on voit dans celle d'en face qui reflète l'image du voisin qui regarde chez nous. Alors excusez-nous si quand on regarde ailleurs, on voit que nous. Excusez-nous si on est en mission, si vous comprenez pas, à la maison nous, on n'apprenait pas. Excusez-nous, élevés par des gens droits, on les a vus souffrir, donc la réussite on n'y croyait pas. Excusez-nous si on est l'endroit où on a grandi, autrement dit, puisque l'argent est roi. Excusez-nous si on en parle autant, souvent plus qu'on en a. Et excusez Tony Montana. Excusez-nous si on a l'air mûr, on fait plus que notre âge, message de sage mais pas l'envergure. Excusez-nous si on a l'air sûr, si on a l'air dur, c'est qu'on vit pas assez à l'air pur. Excusez-nous, on s'auto-censure, réalité rature. En vrai on rêve tous de grosses voitures, grandir sans fric, c'est dur. Manta Oxmo, je t'assure, t'as pas saisi, enlève le fric de la Côte d'Azur. Excusez-nous si on sait pas quoi faire, nos vies des vols charters, qu'on a envie de changer en classe affaire. Excusez nos besoins à satisfaire, excusez la misère. Si vous êtes riche pour vous c'est salutaire. Marre d'être les larbins dans vos sanitaires. On voit des choses bizarres, on aime la chaleur, on vit dans le blizzard. Excusez-nous de vous dire excusez-nous. Et si vous pensez que c'est à cause de vous, alors excusez-vous. Vite fait. Vite, vite, vite fait, fait. Vite, vite, vite, vite fait. We'll be right back. je fais du rock, où je vais je suis moi-même. Ces deux milieux sont jamais prêts pour le choc que je produis chaque fois je m'amène. Anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. Anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. J'ai un penchant, je l'ai jamais caché pour les textes, l'autopsie ma haine. Ma bouche à tout, les jours des cartouches à cracher. Et du coup cela crée le malaise. Et je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je le taise. Oui je suis noir dans un monde blanc, c'est impossible que je le taise. Sur la guitare, la batterie et là-bas, je viens casser l'ambiance et apporter la crasse. Le rock est sans défense, je bouge dans tous les sens. Les arroser des sens, lui et donner la chasse. Oui j'ai des anges, je l'ai dans le sang. Dans mon élément, ça me va comme un gant. On m'a pas invité, c'est pas moi qu'on attend. Je viens représenter le clan des combattants. Dispo pour ma diaspora, lié par des types mourants. Dispo pour ma diaspora, lié par des types mourants. J'ai dans la chair, j'ai dans les veines, car cette histoire est la mienne. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines. Écoutez un titre, alors c'est une histoire assez particulière, c'est le titre Osgang avec Kazé, à ne pas confondre le groupe Osgang qui existe également et qui est un groupe de punk, post-punk, rock gothique britannique, donc clairement voilà c'est différent. Alors là c'est Kazé qui est une rappeuse française qui a fondé en 2019 le groupe Osgang et du coup qui ont sorti ce morceau. Chuck Berry, qui est un hommage du coup, à l'histoire du rock qui a pu être du coup créé par des gens de couleur tout simplement. Donc morceau sorti en 2020 de l'album Gangrène. Donc c'est un album du groupe Osgang, mais voilà c'est Kazé qui est aussi une rappeuse qui a fait des morceaux solo qui chante enfin qui rappe dans ce morceau. Voilà qui est vraiment une ambiance un peu plus rock. Qui change un peu dans le style. On va continuer avec Funky DL, c'est un rappeur britannique que j'avais déjà passé et vous l'entendez hein, dans chaque émission parce que c'est à chaque fois ces morceaux instrumentaux que j'utilise en background quand je parle. Donc si je me tais, vous l'entendez. Donc voilà, c'est lui. Et donc là, on va le faire un petit titre, c'est Hit Me. Que j'aime beaucoup, sorti en 2001 de l'album Backroom Jazz. Je vous laisse avec Funky DL et Hit Me. Yo, every time I rhyme, yo, the people say what? Yo, every beat I make, yo, I give what I got. Yo, every time I do a show, they say you the man. From London now to Paris, yo, and even Japan. DJ Funky DL on the microphone. I like to show you what happens when the beat hits me. I rock a rhyme real quickly, strategically. It seems shifty. The volume's plus 50 while the snare drum lifts me. The simply tempt me to drain the tank down and empty. You can't touch me, let alone try it. Get me a new mic, yo. Cause every time I'm picking one up, another crowd gets hyped. Sucker MCs get wiped. I ain't the type to get stripes on the inland flights and take a hike. I do what I must and say what I like. I'm taking the light into the night and I'm making it right. Creating space like a megabyte. So come and get me. Even if I was a snare drum, you couldn't. Take me. The air is deaf lyricist, beat terrorists like your arch nemesis, tearing it up ever since. I dropped the classic, was the day album, of course problems that held your whole crew to ransom, like Mel Gibson. You're fronting like you feel with wisdom, so pick that microphone up and come and get some. Check it, and take them rhymes back to your girl Britney, and ask her baby one more time, can you hit me? Every time I rhyme, yo, the people say what? You damn right. Every beat I make, yo, I give what I got. Give what I yo, got. Every time I do a show, they say you the man. You the man. Running out to Paris, yo, and even Japan. DJ. Ladies and gentlemen, underground will live forever, baby. Yeah, we represent. And one other thing, my status is the baddest. On the mic, you know what the facts is. It's that bad boy lyricist, DL, rocking the floor like the best show I ever saw back in 94. A Tribe Called Quest, now I'm on a war tour with a rhyme which is rugged and a beat that is raw. Yo, the veteran who makes you say he's fantastic and on plastic, I guess I am enthusiastic to drop tactics, flip it like a gymnastic. Slow or quickly, you still couldn't. Sometimes I keep it on the humble like a beggar, the arm like a legger and the day Schwartz nigger. Check my rhyme pattern, it's hectic like a car chase from Manhattan to the island of Staten. Pass the baton, you crazy kid, this ain't no relay. All I need is a decent mic, a tight DJ, some cool clothes and some shoes that'll fit me. I'm rude like your little brother, but you can't take me. I send this out to the labels over here. How many hip hop acts get signed in the last year? How many go gold? How many go platinum? How many are still looking for deals? How many of them are still rapping? Yo, this is how I came to change this. I'll never be nameless. So what if I never get famous? I could give this up, but it wouldn't quit me. Every single time I hear a fat beat, yo, every time I rhyme, yo, the people say what? What? Yo, every beat I make, yo, I give what I got. Yo, every time I do a show, they say you the man. You from London down to Paris, yo, and even Japan. DJ, check it out. L-O-N-D-O-N. My status is the baddest every time. As we go a little something like this. Take me, take me. Et c'est l'heure de passer au dernier morceau de la soirée déjà. Et ça va être un morceau tiré du groupe Ideal J. Ça va être le morceau Le Combat Continue, sorti en 1996 de l'album Original MCs sur une mission. Alors, pareil, c'est une histoire assez particulière. Ils sont un peu, ils n'ont pas facilité la tâche parce que Le Combat Continue, donc ce morceau, faut pas le confondre avec le morceau qui est sorti sur leur deuxième album, parce que sur leur deuxième album il y a un morceau qui s'appelle Le Combat Continue, et en plus leur deuxième album il s'appelle Le Combat Continue. Donc voilà, donc mais là c'est Le Combat Continue qui est tiré de leur premier album, qui est voilà, qui est aussi bien. J'aime beaucoup le deuxième, mais je préfère, j'ai une petite préférence pour celui-là. Donc voilà, ils auraient pu faire un peu plus simple, c'est comme ça. Ideal J, qui était donc avec Kerry James, donc ils ont fait deux albums. Puis après, voilà, le groupe s'est séparé suite à la mort d'un des membres de, qui était avec Mafia Kafrai, parce que c'était un peu lié. Il n'y a eu que deux albums de ce groupe. Et puis bah après, Kerry James s'est un petit peu écarté de la musique et finalement bah, il a mis un petit peu de temps, mais après il a poursuivi sa carrière solo. Donc voilà, donc je vous laisse avec ce morceau, je vous dis bonne soirée, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller sur Spotify pour trouver la playlist Hip Hop Time et pouvoir écouter toute l'historique de l'émission. Bonne soirée et je vous laisse avec Ideal J, Le Combat Continue. '96, y'aura vraiment rien à faire. Mon DJ Scratch, j'arrive bad dans vos mères. Hip hop, si je n'étais pas, mais qui le serait, frère? Hésite encore une fois et je t'envoie ses pieds sous terre. Ideal J, le combat continue. Tu peux crève de jalousie, mais je représente quand même pour ma rue. C'est après toi, tu pèses le poids face au 96, je te poisonne le freestyle. Ideal J, le combat continue. Tu peux crève de jalousie, mais je représente quand même pour ma rue. D'après toi, tu pèses le poids face au 96, je te bois, je t'en fous avec l'ennemi. Dès aujourd'hui, c'est fini, tu peux bien. bien crève de jalousie, mais ne peut espérer mettre fin au idéal. J'ai pour le intelligent, pour le déterminé, pour le entêté à authentique, elle lucide et borné pendant le foiré. Prenez position de combat, j'ai pris des coups, me suis relevé quand les experts n'y croyaient même pas. Du coma, je reviens, suis-je parti un jour? J'ai parlé de vos tours, patiemment attendu mon tour et le voilà. Mais baise mieux celui qui baise le dernier à ce qu'il paraît. Autant dire que je vais pouvoir jurer que certains vont devoir encaisser la retourne. Mais ton tête selon tes connaissances ou selon tes compétences, y a-t-il incompétence du show business en France? Le diagnostic était clair, net, précisé que le idéal J avait fait son temps et mourait indéfiniment, définitivement, exclusivement dédié à sur mes arrières médis, mes devants pour longtemps immédiat. Danger, situation critique, annonce au major qu'en 9-6 avec le vice, je sors mon disque. Mot pour les putes qui frimaient derrière leur bureau. Ah, tout de fort, encore sera l'assaut. Idéal J, le combat continue, tu peux crève de jalousie, mais je représente quand même pour ma rue. D'après toi, tu baisses le poids face au 96, je te crois dans mon freestyle. Idéal J, le combat continue, ma tu crève combat. De jalousie, mais je représente quand même pour ma rue. Dans vos mères. D'après toi, tu baisses le poids face au 96, je te crois dans mon freestyle. J'arrive avec le flow qui va causer des dégâts. Je suis très rond sur le beat, tel une putain de Kyra. Check moi, je suis old school, tu vois, mais check moi. Sache qu'on m'appelle Lixa, l'enfant fétiche de Calmette, originaire d'Haïti. Fraîchement débarqué de pointe à pitch, je représente pour Orly City. Je suis grave, parfois je bédave pour ma rap. Et tous les b-boys savent que c'est mon flow qu'on kiffe dans les cas. Si j'ai si peu d'amis, j'ai plus de 30 millions d'ennemis. Et tout comme AP, je pense que c'est loin d'être fini. Pourtant, je suis un mec smooth, slow, je suis cool, relax. Je serre toujours la main, j'esquisse un sourire et je me casse. Je donne du respect pour en recevoir en retour. Évite l'embrouille car dans la rue, tout le monde est hardcore à ce jour. C'est dit parmi ceux qui m'entourent. Qui sont les frères? Garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Je t'ai tendu la main, t'as voulu me bouffer le bras. D'abord m'a infiltré, puis infecté, brisé ma familia. J'aurais un chien, une porte et même pas ton nom. Car le chien est plus fidèle au maître que tu n'es à tes opinions. De comparer à moi et ton passe-temps préféré. J'en suis désolé, tu finiras par devenir cinglé. Ça fait 6 ans que je déchire le microphone et constate le routine guéri, le rap comme personne. 96, y'aura vraiment rien à faire. Mon DJ Scratch, j'arrive pas dans vos mères. Hip hop, si je n'étais pas, mais qui le serait, frère? Hésite encore une fois et je t'envoie ses pieds sous terre. 96, y'aura vraiment rien à faire. Mon DJ Scratch, j'arrive pas dans vos mères. Hip hop, si je n'étais pas, mais qui le serait, frère? Hésite encore une fois et je t'envoie ses pieds sous terre. 96, mon DJ Scratch. Je viens d'une cité et la violence y est héréditaire. Je possède la rime qui blesse, stresse le mec partout dans la tête, lui donne envie de dire wesh. Qu'est-ce qui se passe? Idéal reprend du service fils. On débarque avec le son qui se consomme avec une 8-6. Mais quant à moi c'est la boxe qui me consume. Je salue le noble art, pas d'infortune, j'assume sur le bitume. Je porte le cuir car je touche au business. Il est illicite certes, mais c'est comme ça que je rapporte le pèse. Tu m'as déjà vu traîner souvent sur Vitry. J'y retrouve Wolf qui te bat, Kaba, Huggy et AP. OGB, Wicked, on marque les trottoirs. Puis attise la jalousie car l'unité est notre rempart. Tu cherches la merde lorsque j'appelle au calme. 96 sera donc l'année de la bataille du bien contre le mal, je le jure. Y'avait le pont, la brute et le truand. Mais j'unifierai les trois épaulés par mes gars du 113 clan. Je suis rancunier, n'essaie jamais de l'oublier. Et si un jour tu m'as baisé, y'a mon retour, il faut te préparer. J'demeurai au 40 rue du docteur Calmette. 94, 310 000 raisons pour ne pas me tester. 96, je connais toujours pas mes limites. Je voudrais juste rester libre, pas me faire calibrer au fin de l'orif. Maintenant je roule un pour ma gueule, deux pour la rue. Crève de jalousie, mais le combat continue, c'est ainsi. Idéal J, le combat continue. Tu peux crève de jalousie, mais je représente quand même pour ma rue. Si d'après toi tu baisses le poids face au idéal, 96, je te crois dans mon freestyle. Idéal J, le combat continue. Tu peux crève de jalousie, mais je représente quand même pour ma rue. D'après toi tu baisses le poids face au 96, je te crois dans mon freestyle. Je reste vrai, vraiment rien à foutre. Je shoot. Dédié à sur mes arrières, médié mes devants. Pour longtemps, 96, y'aura vraiment rien à faire. Mon DJ Scratch, j'arrive pas dans vos mères. Hip hop, si je n'étais pas, mais qui le serait, frère? Hésite encore une fois et je t'envoie ses pieds sous terre. 96, y'aura vraiment rien à faire. Mon DJ Scratch, j'arrive pas dans vos mères. Hip hop, si je n'étais pas, mais qui le serait, frère? Hésite encore une fois et je t'envoie ses pieds sous terre. Je viens d'une cité et la violence y est héréditaire. Je roule pour la paix, tant que c'est possible. Je rends hommage à tous les miens. Respect. Et on s'arrache de là. Les dis scratch dans leur merde.